Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les chemins de la philosophie. Dans La Famille, je demande toute cette semaine le père. Très cher père, tu m'as demandé récemment pourquoi je prétends avoir peur de toi. Je crois voir ton père. Mon père était instituteur public. Tu commences juste à découvrir ton pouvoir. Sois mon allié et je terminerai ta formation. Sa voix était grave et plaisante et ses cheveux d'un noir bleuté ondulaient naturellement les jours de pluie. Nos parents, un trésor est caché dedans. Papa, je voudrais te dire quelque chose, mais tu me promets de ne pas te fâcher. On te parle pas de papa, là. Écoute, c'est toi, mon fils. Je suis papa. Je suis ton père. T'es un papou génial. Le père Karamazov déteste ses enfants. Oui, c'est ça. Non. Moi, j'en suis très fier de papa. Ce n'est pas vrai. Et tant mieux si je dors sans. C'est impossible. Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Et c'est un garçon. Non. Papa chanteur, maman douceur, pleure pas, bébé bonheur. La vie vient de faire une fleur à papa chanteur. De toute façon, je vois pas ce que papa vient foutre là-dedans. Ouais. Envahissant ou absent, papa poule ou daddy cool, rêvé ou désacralisé, nous en avons tous un père. Mais le père, est-il toujours le même? Est-il plus qu'un géniteur ou rien qu'un éducateur? Détient-il forcément l'autorité ou doit-il seulement nous aimer? Est-il un modèle ou a-t-il tout du vrai mec? Et si le père n'avait aucune utilité, pas d'autorité, pas de sexualité, pas de sensibilité, serait-il encore un père? Du complexe d'Œdipe au roi Lear, de la procréation assistée au patriarcat chahuté, mise à nu toute cette semaine de la figure et des fissures paternelles, et c'est avec un père qui n'en a pas l'air que l'on commence. Le père Karamazov déteste ses enfants. Or, ses trois fils le méprisent, car il se complaît dans le vice et l'immoralité. Dimitri Fiodorovitch me portait cette forteresse avec une petite clé d'or. Voilà pourquoi, La passion des héros est poussée à son paroxysme. Ils sont cruels, bien que vulnérables. Bonjour André Markovitz. Bonjour. Vous êtes poète et traducteur. On vous doit la traduction des œuvres complètes de Dostoïevski, dont le grand roman Les Frères Karamazov. En quoi leur père, Fiodor, est-il le contraire même du père? Je sais pas en quoi il est le contraire. Immoral, je sais pas, déteste ses enfants. Alors justement, est-ce qu'il peut y avoir un contraire du père? Il est le père, il est le géniteur de ses trois fils plus un, puisque, en fait là, ce qu'on vient d'entendre, cette phrase, elle résume tout le roman. Il y a un père qui s'est marié deux fois, qui a eu trois enfants, qu'il n'a pas élevés, c'est pas qu'il les déteste, c'est qu'il, lui, considère que tout doit venir pour lui parce que lui est vivant. Et la phrase essentielle de la paternité, c'est la phrase de Saint Jean-Baptiste, qui dit à Jésus, « Tu viens pour que je diminue. » Et le père Karamazov, lui, n'a aucune intention de diminuer. Et puis il y a un quatrième frère, donc le premier frère c'est Dimitri, du premier mariage. Après il y a deux frères, Ivan et Alyosha, du deuxième mariage. Et il y a un frère qui n'est pas un frère, que le père Karamazov a en quelque sorte fait à une mendiante à moitié folle qu'on appelait simplement la puante, en disant qu'il y avait une jouissance particulière à faire un enfant à cette puante parce qu'elle puait, et là, au lieu de lui donner son nom, Karamazov, et peut-être il faudrait revenir sur le nom de famille, Karamazov, il lui a donné un deuxième nom. Il lui a inventé un nom de famille. Comme si c'était une sorte de reconnaissance. Voilà. Smirdikov. Smirdik, ça veut dire puer. C'est une reconnaissance paradoxale. C'est une reconnaissance. Je ne sais pas ce que veut dire paradoxal. Comme le contraire du père, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Karamazov, on a beaucoup écrit sur ce que veut dire le mot. Mazov, c'est mash, l'onction. Kara, il peut y avoir deux sens. Le premier, un sens étymologique des langues turques. Kara, c'est noir, donc l'onction du noir. Mais en russe, kara, c'est le châtiment, la vengeance. Donc c'est l'onction de la vengeance et l'onction du noir. Et c'est ce nom-là qu'il porte et qu'il transmet à ses enfants. Et c'est ça que Dmitri appelle aussi être karamazovien. Non seulement être sensuel, jouisseur, crapuleux, mais porter sur soi une espèce de vengeance qui n'est pas en quelque sorte la sienne, qui est celle de bien avant, comme une espèce de péché qu'on pourrait appeler originel. Donc ce roman de Dostoïevski, Les frères Karamazov, si on le résume à cette simple intrigue, les rapports de quatre frères avec leur père, le père va mourir et il sera question de savoir qui l'a tué. Le père est assassiné. Le père est assassiné. Est-ce que c'est trop peu de le décrire comme ça ? Absolument pas. Je pense que c'est exactement ça. L'idée étant que chacun des frères a tué le père. Le centre... Mais vous savez, moi j'ai souvent l'impression que les Karamazov, c'est comme une espèce de parodie du Notre Père. Mais réellement, que Notre Père qui est aux cieux, bon là, pas, il est pas aux cieux, mais il est sur terre, mais il est aussi aux cieux. Parce qu'il se moque de sa... En fait, qu'est-ce que c'est les Karamazov ? Qu'est-ce qu'on fait quand le créateur se moque de sa créature ? Quand le créateur dit de sa créature que c'est des cafards, que c'est des insectes. Vous savez, chez Dostoïevski, une espèce d'obsession des insectes. Un truc vraiment bizarre. Et l'obsession se résume entre les mouches et les araignées. Au centre, il y a l'araignée qui tisse ses réseaux, ses toiles, et la mouche vient se prendre dans le réseau. La mouche, c'est l'être humain. C'est le pêcheur, la victime. Ce qui est fascinant dans les Karamazov, c'est qu'il n'y a pas de mouche, il n'y a que des araignées. Des araignées et des cafards. Mais est-ce qu'on n'est pas sûr, par exemple, que le père Karamazov serait cette araignée dans lequel viennent se prendre les mouches ? C'est lui. Mais ses enfants... Alors, c'est pas ses mouches. C'est pas des mouches. C'est des... Il les appelle comme ça, il les appelle des cafards. Et Dmitri va repartir... Avant le passage où le père parle de ses enfants comme de cafards, il va parler de lui-même comme d'un insecte jouisseur. Moi, je me souviens, quand j'ai traduit ça, je me dis, attends, ils disent vraiment ça ? Ben oui, je suis un insecte et un jouisseur. C'était traduit comme ça dans les anciennes versions ? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. Mais qu'est-ce que ça peut être la jouissance d'un insecte, oui ? Non, mais sérieusement. C'est-à-dire que c'est absolument monstrueux. Là, pour le coup, il y a une espèce de paradoxe, d'oxymore, mais qui est fondamental. Le primat de la jouissance, mais d'une jouissance qui n'est pas une jouissance humaine. Qui est une jouissance d'insecte. D'insecte. C'est-à-dire, et d'insecte qui ne se définit que par le fait qu'on peut l'écraser. C'est un truc de fou, ça. Oui, mais quand même qui résiste, en fait, parce que c'est aussi tout le sens de ce roman de Dostoïevski, Les frères Karamazov, André Markovitz, de décrire des existences qui résistent. Fiodor Karamazov, le père, résiste à tout, à la honte, à la réputation, à ses excès, et ses enfants résistent, eux aussi, au mal-être qu'il leur a transmis. Alors, est-ce que le père résiste ? Non, il les met en place. Il jouit de la honte. L'existence du père, dans la honte, dans la débauche, dans l'infamie la plus totale, est une... c'est pas une résistance. C'est juste une affirmation. C'est juste je suis, donc je veux, donc je fais. C'est-à-dire, c'est une philosophie, si on peut appeler ça une philosophie, du moi pour moi. Et comme je suis le père, eh ben les autres doivent obéir. Pourquoi? Eh parce que j'ai les sous. Et parce que je dirige tout. En fait, naturellement, dans le roman, c'est pas la peine de raconter l'histoire, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est pas grave, c'est ça. Et les fils, est-ce qu'ils résistent? Mais non, ils n'en résistent pas. Ils sont tous détruits. Comment vous dire? En plus, il y a encore autre chose. Quand j'ai commencé à traduire les Karamazov, j'ai été sidéré par un passage. Le moment où Alyosha, donc le troisième frère, qui représentait comme un saint ou un saint possible, et qui vit dans un monastère auprès d'un staret, c'est-à-dire d'un sage religieux, et ce staret est malade et il meurt. Et il se met à puer. Et là encore, les notations de puanteur dans le roman, si on fait la liste, c'est absolument incroyable. C'est constant. Constant. Et donc, le saint se met à puer. Ce qui est, là encore, un paradoxe, puisqu'un saint, quand il meurt, il embaume. Je me demande comment, mais enfin, bref. Donc, et là, pendant qu'on l'office, on se rend compte qu'il pue. Et il faut ouvrir la fenêtre. Et dans le texte apparaît le mot « tentation ». C'est-à-dire, ce n'est pas un scandale. C'est une tentation. « Sablazn » en russe. Et en russe, il y a deux mots pour parler de tentation. Il y a le mot « iskouchenie » qui est le mot du Notre Père. Ne nous abandonne pas la tentation, ne nous induit pas en tentation, etc., etc. C'est la tentation extérieure. Et puis il y a un autre mot, employé tout le temps dans les Karamazov, qui est « sablazn », qui est un mélange de tentation et de séduction, de tentation intérieure et de séduction. Le sablazn, on l'a déjà en soi. Comme si le sablazn, cette tentation intérieure, ne venait pas de soi, mais venait d'avant. On retrouve le péché originel. Exactement. Et, en fait, personne n'avait traduit ce mot-là par tentation, on avait traduit par scandale, etc. Ce qui est objectivement dans l'intrigue, ça aurait été la traduction juste. Sauf que l'image de la tentation extérieure et intérieure est l'image fondamentale de tout le roman. Il y a tout le temps des tentations auxquelles tout le temps le personnage succombe, à une exception. C'est le récit par le poème du grand inquisiteur que Ivan raconte à Alyosha. Il y a une sorte de récit dans le récit, voilà, qui a été beaucoup salué comme une sorte de roman moral, métaphysique, à l'intérieur des frères Karamazov. Et entre parenthèses, qui a été enlevé par les premiers traducteurs, par le premier traducteur français, comme inutile. Non. Voilà. Mais néanmoins, Ivan raconte la tentation du Christ par le diable, et qui est de fait un mystère. Pourquoi est-ce que le Christ refuse le miracle ? Refuse d'être sauvé. Voilà, ça c'est un des mystères de la foi. Et c'est la seule tentation à laquelle on ne succombe pas. Dans chaque scène, il y a le mot où il y a une situation de séduction. Et le grand séducteur, et donc le grand tentateur, c'est pas simplement le diable, c'est aussi le père. Alors je vous propose, André Markovitz, qu'on revienne aux toutes premières lignes des frères Karamazov, là où Dostoïevski nous livre le portrait de Fiodor Karamazov. Alexei Fiodorovitch Karamazov était le troisième fils de Fiodor Pavlovitch Karamazov, propriétaire foncier de notre district, qui fut si connu en son temps et qui aujourd'hui encore ne s'est pas entièrement effacé de nos mémoires en raison de son décès tragique et mystérieux survenu voici exactement 13 ans. Décès dont je parlerai en lieu et place. Pour l'instant, je me contenterai de dire de ce propriétaire foncier, comme on l'appelait chez nous, même si de toute sa vie il n'a presque jamais vécu dans sa propriété, qu'une chose, à savoir qu'il appartenait à ce type étrange, et qu'on retrouve pourtant assez souvent, je veux dire ce type d'homme non seulement nul et débauché, mais en même temps bon à rien, qui savent généralement gérer leurs petites affaires de patrimoine, et seulement ses affaires, j'ai l'impression. Fiodor Pavlovitch, par exemple, partit de presque rien. C'était un propriétaire foncier des plus petits. Il courait manger chez tel ou tel, rêvait de se faire entretenir. Et néanmoins, au moment de sa mort, on lui trouva quasiment 100 000 roubles d'argent comptant. Et en même temps, pendant toute sa vie, il avait continué à être un des originaux les plus bons à rien de tout notre district. Je le répète encore, c'est pas une affaire de bêtise. Ces originaux-là, pour la plupart d'entre eux, ils sont futés et pas trop bêtes. Non, le fait est précisément qu'ils sont des bons à rien. Et qui plus est, d'une espèce de catégorie particulière, nationale. André Markovitz, voici Linky Pit des frères Karamazov. C'est la description de Fiodor Karamazov, un type étrange, un bon à rien, débauché. Mais cette dernière phrase est intéressante. On vient de l'entendre interprétée par Georges Kless. Le fait est précisément qu'ils sont des bons à rien et qui plus est d'une espèce de catégorie particulière nationale. Il y a des bons à rien dans une catégorie nationale qui serait celle de la Russie. Alors, les Karamazov se situe dans un débat qui a commencé en 1838 par un poème de Mikhaïl Lermontov, Méditation, dans lequel Lermontov maudit la génération des pères. Et il dit un truc, il dit ça: ma génération m'attriste et me dégoûte. Notre avenir est vide ou vanité. Sous le poids du savoir et sous le poids du doute, nous vieillirons dans notre oisiveté. Dès le berceau, les erreurs de nos pères et leurs regrets tardifs sont nos maigres acquis. Nos vies sont des chemins connus et sans repère, sont des festins avec on ne sait qui, etc., etc. Et la fin, c'est foule empesée qui disparaît sans trace. Nous passons sur le monde et sombrons dans l'oubli. Sans lancer une idée au front du temps qui passe, sans même un travail accompli. Nos descendants viendront, dans leurs strophes sévères, rire de nos tombeaux, juges et citoyens, comme les fils bernés se moquent de leur père qui a dilapidé leurs biens. Et après ça, c'est le grand sujet de Tourguenieff, père et fils. Qu'est-ce que c'est que cette génération d'enfants qui ont pour héritage la nullité de leur père, de leur père. Et c'est un sujet national, c'est une tradition russe. Tout le monde parle de ça. À partir de la littérature, naturellement, parce que je pense pas que les pères russes soient particulièrement plus nuls que les pères français ou javanais. C'est pas la question. Mais c'est un sujet de tous les romans russes. Enfin, pour Tolstoï, c'est un peu différent. Enfin, Tolstoï. De toute façon, très différentes. Voilà. Mais voilà. Mais il y a père et fils, qui est un phénomène inouï dans la littérature russe. Mais qui viendrait quand même d'un contexte social et politique ? Je ne peux pas dire. C'est-à-dire, c'est la disparition du monde ancien, du monde justement des propriétaires fonciers. Mais je pense que c'est beaucoup trop vulgaire, si vous voulez, de réduire ça à des phénomènes sociaux. C'est pas ça. Que fait-on de l'héritage ? Et quel héritage ? Et après Tourguenieff, mais Dostoïevski ne parle que de ça. Et il y a les démons. Et il y a l'adolescent, qui est la construction par un fils qui n'a pas connu son père, de l'image supposée grandiose de son père, et la destruction de cette image. Et puis il y a les Karamazov. Mais il faut bien se souvenir qu'en même temps que Dostoïevski écrit les Karamazov, un jeune homme à Taganrog, c'est-à-dire au fin fond de la province du sud de la Russie, un jeune homme qui s'appelle Anton Tchekhov écrit Platonov. Platonov est écrit avant les Karamazov. C'est-à-dire comme si ce sujet des pères monstrueux, des pères faillis, nuls, était le sujet essentiel. Et le titre de Platonov n'est pas Platonov, mais Bezatsovshchina, c'est-à-dire l'absence de père vu comme phénomène social. Mais la nouveauté des Karamazov, c'est pas l'absence des pères, c'est leur présence. Leur présence, mais nulle. Leur présence. Ils sont là. Et je rajouterai, permettez-moi André Markowitz, pas seulement comme phénomène social dans l'affaire Karamazov, mais comme phénomène métaphysique. Exactement. C'est comme si Dieu avait créé, non pas l'homme, parangon de toutes les beautés du monde, de toutes les vertus possibles et imaginables, mais des cafards. Et comme si finalement il les avait laissés à se battre entre eux, avec l'onction du noir ou de la vengeance, l'onction du mal, libère-nous du mal. Comme si c'était le père qui avait créé toute la monstruosité du monde et de ses enfants, et que naturellement, il ne pouvait pas disparaître même quand il était assassiné. Est-ce que Dostoïevski a conscience de s'inscrire dans ce mouvement national de littérature sur l'écriture des pères monstrueux, faillis? Et si oui, quelle dimension, quelle autre tonalité veut-il y apporter? Alors, Dostoïevski a non seulement conscience, mais c'est lui qui le fait. Comment vous dire? Il y a deux choses, je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne suis pas partisan de la biographie. Et néanmoins, le père de Dostoïevski était un homme monstrueux. Un peu comme Karamazov? Visiblement. Qui a torturé sa femme, visiblement comme le père Karamazov a torturé sa deuxième femme. Un homme, un débauché, un homme qui... cruel, et qui a été visiblement, alors c'est pas très clair, mais je pense que maintenant c'est établi, a été assassiné par ses propres paysans. Parce que non seulement il y avait une espèce de cruauté, et Dieu sait si le système du servage était un système, enfin je mets entre guillemets humaniste, c'est-à-dire c'était une monstruosité totale. Mais visiblement, le père Dostoïevski passait les limites. Et donc, il s'est fait assassiner par ses paysans, parce qu'il violait toutes les filles, visiblement. Et c'est, je pense, resté chez Dostoïevski comme une... pas simplement comme une blessure, mais comme une honte suprême. Bon. Voilà, sur cette biographie, moi après je sais pas trop, mais je pense que... Mais sur cette tradition russe, littéraire, des pères nuls. Alors, la nouveauté des Karamazov, c'est qu'ils sont pas nuls, c'est qu'ils sont monstrueux. Oui, parce que finalement, c'est vrai qu'on pourrait distinguer différents degrés dans la nullité. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut être juste nul, médiocre, ne servir à rien, et puis on peut être affreux. Exactement, jusqu'au démon et jusqu'à l'adolescent. Enfin, jusqu'au démon, les pères sont juste inexistants. Et ce que leur demande, ou ce que leur ont essayé de leur demander leurs enfants, c'est d'exister. Les Karamazov passent à une autre dimension, c'est le père seul existant, comme s'il n'existait dans le monde que le père, que cette espèce de frénésie de jouissance qui va jusqu'à vouloir, et à le faire, prendre la fille que son fils aime, Grushenka, et ainsi de suite. Comme s'il n'existait que le père. C'est-à-dire... Mais ils ne veulent pas le faire exister, ils veulent le faire disparaître parce qu'il existe trop. Et, bien sûr. Mais, et ce que dit le roman, c'est que... Alors, qui a tué le père? C'est Dmitri qui a affirmé à tout le monde qu'il voulait tuer le père. Et Dmitri dit à un certain moment, de toute façon, j'ai voulu tuer. C'est clair. Et c'est Dmitri qui est accusé. Enfin, je sais pas s'il faut que je raconte l'histoire, mais je vais pas allez-y, non, allez-y. Non. Mais non, mais bon, bref, en gros, il est comme ça. Les malheureux lecteurs sauront déjà ça. S'ils n'ont pas lu les Karamazov, ce que vraiment je leur conseille de lire, parce que c'est vraiment un roman bien. Se lit très facilement. Ah, mais si oui, vous le dire. Mais oui. Alors, ça fait combien, 2000 pages? Mais et vous savez que ça fait 2000 pages, mais que c'est que le début. Parce que Dostoïevski est mort avant d'avoir écrit la suite. Mais justement, je vais en parler de ça. Et donc, Dmitri est accusé et finalement condamné par un procès juste. Parce que c'est ça qui est magnifique dans la représentation du procès, c'est que le procès est juste. Mais Ivan, le deuxième fils, a voulu tuer. Mais il ne l'a pas fait. Mais il a mis en place un désir chez le quatrième frère, Smerdiakov, qui est le véritable assassin. Et Alyosha est censément le saint, il n'a pas voulu tuer le père. Sauf que le sage Zassim, le starets, l'envoie dans le monde et lui dit « va chercher ton frère ». Et Alyosha trouve le frère, mais pas Dmitri, à qui il aurait pu fournir un alibi, mais Ivan. Et c'est à ce moment-là que Ivan va lui raconter le grand inquisiteur. Je vous propose de l'écouter, André Markovitz. Tu es fier de tes élus, mais tu n'as que des élus, alors que nous apaiserons chacun. Et même, combien y en a-t-il eu parmi tous ces élus, des hommes forts qui auraient pu devenir des élus, qui ont fini par se lasser de t'attendre et ont porté et porteront encore toute la force de leur esprit, tout le feu de leur cœur vers une autre carrière et finiront par lever contre toi une bannière libre? Cette bannière, c'est toi qui l'as levée. Chez nous, non. Chacun sera heureux. Personne ne se rebellera. Personne ne s'entretuera plus à tout bout de champ, comme dans ta liberté à toi. Oh, nous arriverons à les convaincre qu'ils ne deviendront libres qu'au moment où ils renonceront pour nous à leur liberté et ils se soumettront. Et quoi? Ce que nous leur dirons, ce sera juste ou ce sera un mensonge? Ils comprendront eux-mêmes que nous avons raison, car ils se rappelleront jusqu'à quelles horreurs d'esclavage et de troubles ta liberté aura pu les pousser. La liberté de l'esprit, la science, les conduiront jusqu'à de tels labyrinthes, les placeront devant de tels miracles, de tels mystères inexpliqués, que quelques-uns d'entre eux, les insoumis et les farouches, s'élimineront eux-mêmes. Les autres, insoumis mais plus faibles, s'élimineront les uns les autres. Et les troisièmes, ceux qui seront restés, les faibles et les malheureux, ramperont à nos pieds en criant « Oui, vous aviez raison, vous étiez seul à détenir son mystère. Nous revenons vers vous, sauvez-nous de nous-mêmes. » André Markovitz, on vient d'entendre ce roman dans le roman « Le Grand Inquisiteur ». C'est dans le volume 1, partie 2, livre 5, chapitre 5. C'est la rencontre, c'est la discussion qui a lieu entre Alyosha et Ivan. Ivan raconte ce passage du grand inquisiteur dans lequel celui-ci vient voir Jésus et finalement le pousse à mettre en doute ses propres actes, sa propre manière de faire. Comment vous interprétez ce roman dans le roman, André Markovitz? L'histoire du grand inquisiteur est la suivante. Jésus revient dans l'Espagne de l'Inquisition et commence à faire des miracles. à ressusciter une enfant morte, etc. Passe le grand inquisiteur. Et le grand inquisiteur comprend que Jésus est revenu et fait arrêter Jésus au nom de Jésus. Et pendant 30 pages, va expliquer à Jésus pourquoi il va le brûler en place publique le lendemain au nom de lui-même. Parce que la liberté prônée par le Christ est insupportable. C'est un mystère absolu. Et que le but de l'Église qui a remplacé Jésus est de fournir un ordre social qui permette aux gens de vivre. Et que c'est soit la vie, soit la liberté, mais pas les deux. Soit Jésus, soit la vie, mais pas les deux. Je résume ça en 30 secondes. Pourquoi Yvan raconte-t-il ça, Alyosha ? Yvan considère que ce n'est pas la question que est-ce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Yvan considère que il ne peut pas accepter Dieu à cause de la souffrance de l'enfant, la souffrance de l'innocent. Que ce mystère-là, pour lui, est inacceptable. C'est la question que vous posiez au début, André Markowitz, de qu'est-ce qui se passe quand le Créateur se moque de sa création ? Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ? Encore, on peut imaginer qu'un adulte exerce sa liberté. Mais quelle est la liberté de l'enfant ? Bon, ça, en gros, ça c'est des sujets sur lesquels je ne pourrais pas parler, mais tout vient du livre de Job. Pourquoi Job est-il accablé par Dieu ? Il n'y aura jamais de réponse. Et là-dedans est le mystère de la foi. Pour Dostoïevski, ça c'est la question suprême. Mais le plus insupportable de ce poème, comme l'appelle son créateur, c'est-à-dire Ivan Karamazov, c'est ce que fait Jésus. Jésus ne dit rien. Écoute, et il y a un léger sourire qui n'est pas un sourire au grand inquisiteur, qui est le sourire d'un tableau de Raphaël. Jésus ne peut pas parler, puisqu'il a déjà parlé. Personne ne peut ajouter une parole à Jésus. Et donc, Jésus ne peut que se taire. Et ce qui est monstrueux dans ce poème d'Ivan Karamazov, c'est le silence. Parce que le grand inquisiteur, qui est un vieux, et qui comprend qu'il va tuer celui que soi-disant il sert, ne fait que parler, et ne peut que parler, et ajouter des choses, c'est des abîmes de pensée et de réflexion, un des sommets de la pensée humaine, je pense, le poème du grand inquisiteur. Et ces abîmes de réflexion et de pensée se cognent, ou je ne sais pas comment dire ça, s'engloutissent dans le silence de Dieu. Dieu ne peut exister que apophatique, que par son absence. Par son absence, par son silence, pas par son absence. Quel lien y a-t-il entre Dieu et Fiodor Karamazov ? Parce que c'est quand même ça aussi l'enjeu de ce roman. C'est notre père. C'est le père, du père au père. Voilà. Voilà. Alors, le Christ est le père et le fils. Il est aussi le fils. Mais dans ce roman, on sait ce qui se passe quand le créateur se moque de sa création. C'est qu'on le tue. On le tue. On le tue, mais il existe toujours. Puisqu'il existe dans ses fils. Et que cette malédiction, elle se prolonge de génération en génération. Mais vous, j'ai dit tout à l'heure que ça fait 2000 pages, ce roman. Et, mais c'est que la première partie. Dostoïevski racontait... Donc, il faut bien s'imaginer, quand Dostoïevski finit et publie ce qu'on appelle maintenant les frères Karamazov, il est l'écrivain, un des deux écrivains les plus célèbres en Russie. Il y a Tolstoï et il y a Dostoïevski. Et il est au sommet de sa gloire, de sa... Ouais. Tout le monde ne parle que de ça. Mais Dostoïevski dit, mais vous savez, il y a une deuxième partie. Et qui est 20 ans après. Et je fais une parenthèse si je peux, c'est que la structure aussi des frères Karamazov, c'est la structure des trois mousquetaires. C'est 3 plus 1. Et donc, Dostoïevski disait, mais il va y avoir 20 ans après. Et 20 ans après, c'est le retour de Ivan du bagne. D'Ivan, de Dmitri, du bagne. Et dans ce deuxième volume, Alyosha, qui est le saint, va tuer le tsar dans un attentat nihiliste. Donc il avait déjà dévoilé toute la suite. Il expliquait ça, que Alyosha devait tuer le tsar dans un attentat. Ce qui, pour Dostoïevski, est le mal absolu. Dostoïevski était extrêmement, monarchiste, etc. Mais quelle est d'ailleurs la position de Dostoïevski par rapport au récit même qu'il a écrit ? C'est-à-dire que il s'inscrit dans cette tradition des pères monstrueux. Son père lui-même, vous l'avez signalé, était monstrueux. On sent que le portrait qu'il trace de Fiodor Karamazov est détestable, vraiment. On sent même un certain plaisir, d'ailleurs, à le décrire. Je dirais un plaisir certain. Un plaisir certain à le décrire comme un insecte jouisseur, et en même temps, il condamne les enfants d'être parricides. Oui, et il n'y a pas... Mais les enfants sont dans un dilemme, c'est-à-dire dans une position intenable, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas... ils sont obligés de vivre avec la trace de leur... avec ce père qui les intoxique, ils le tuent et ils restent coupables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en fait, jamais se libérer du père. Bien sûr. Puisque c'est la condition humaine d'être un cafard. Ou d'être un enfant. Ou d'être un enfant. Mais c'est ça le truc. Vous savez, où est-ce que j'avais en venant, j'étais venu et je suis tombé dans le métro. Ce que le père dit de ses enfants. Allez-y. Donc Fiodor. Oui, Fiodor dit de ses enfants. Et donc, il va parler de Vanka. C'est un diminutif méprisant de Ivan. Un père ne devrait pas employer ce diminutif pour son fils, Ivan. Et il va parler de Mitchka, c'est le diminutif méprisant de Dmitri. Mm. Bon. J'ai pas besoin de cognac pour t'aimer, toi, dit le père à Alyosha. Et avec les crapules, moi aussi je suis une crapule. Vanka refuse d'aller à Tchermachnia, bon, c'est pas grave. Pourquoi ? Il a besoin d'espionner. Combien je donnerais à Groshenka si elle vient ? Tous des crapules. Ivan non plus, je le reconnais pas du tout. D'où est-ce qu'il sort celui-là ? C'est pas du tout une âme à nous. Et qu'est-ce que je lui laisserai, moi ? Je laisserai même pas de testament, je veux que vous le sachiez. Et Mitka, je l'écraserai, comme un cafard. Les cafards, noirs, la nuit, avec ma mule, je les écrase. Tu marches dessus, ça craque. Le père qui dit ça de son fils. Ton Mitka, aussi, il craquera, pareil. Le tien, de Mitka, parce que tu l'aimes. Toi, tu l'aimes, et moi, ça me fait pas peur que tu l'aimes. Mais si c'était Ivan qui l'aimait, là, ça me ferait peur qu'il l'aime. Mais Ivan, il aime personne. Ivan, c'est pas un gars à nous. Les gars du genre d'Ivan, vieux frère, c'est pas des gens à nous. C'est de la poussière qui se lève, le vent qui souffle, la poussière passe. Hier, c'est une bêtise qui... Bon, ça continue comme ça. Cette espèce de haine, comment dire, mesquine. Mais on le sent même dans l'écriture. Mais bien sûr. Que vous avez traduite. C'est-à-dire qu'on sent que Dostoïevski prend un plaisir certain sûrement à décrire Fiodor et le mal qu'il inspire et la cruauté qu'il est, mais aussi même dans sa manière de parler, cette espèce d'argot, d'écriture puante un peu aussi. Mais absolument. C'est-à-dire qu'on lit le roman et on est... Comment dire ? Dans tout ce qui se passe avec le père... On est pris d'une espèce de... Mais de dégoût. Et pourtant, on prend du plaisir à lire ce roman. Voilà. Et il se lit facilement. D'ailleurs, voilà. Peut-être même parce qu'il est dégoûtant. Mais c'est ça. Il continue. Je donnerai rien, pas un pet de lapin, les sous, moi j'en ai besoin pour moi, fit le vieillard avec un grand geste. Déjà comme ça, moi, comme un cafard, je l'écraserai. Ne lui dis rien, sinon il serait encore capable d'espérer. Et puis en général, t'as rien du tout à faire chez moi, va-t'en. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il parle avec amour à son fils, et lui parle avec amour pour lui dire « mais t'as rien à faire chez moi, va-t'en ». Mais ce qui est aussi fou quand on lit ce roman de Dostoïevski, Les frères Karamazov, c'est que Fiodor Karamazov ne cesse d'être dans une position de réflexivité. C'est-à-dire qu'il s'analyse tout le temps lui-même. Il dit « ah ben j'ai agi comme un bouffon ». Ah mais d'ailleurs je suis un bouffon, je vais continuer à agir comme un bouffon. Mais bien sûr, parce que tout est absolument voulu et tout est réfléchi. C'est l'homme du scandale, c'est-à-dire c'est l'homme qui... En fait... Mais est-ce que Fiodor décide d'être un mauvais père? Mais c'est pas qu'il décide, c'est qu'il s'en fiche. Il les oublie. Mais oui, parce qu'il va courir telle prostituée, tel machin, tel... Bien sûr, c'est pas... Mais quand on dit... En fait, Fiodor, c'est l'homme de la vérité. Pourquoi? C'est le seul homme qui, réellement, dans le roman, ne ment pas. Enfin, il ment sur tel ou tel petit détail. Mais sur le fond, il est ce qu'il est et il l'affirme. Et en affirmant ce qu'il est, il montre que tous les autres, d'une façon ou d'une autre, soit portent des masques, soit jouent la comédie. Mais parce que ses enfants sont ce qu'ils ne veulent pas être, qu'ils héritent d'une trace dont ils ne veulent pas et qu'ils ne veulent pas incarner. Mais la question est justement celle-là. Qu'est-ce qu'on fait de l'héritage? Est-ce qu'il existe une liberté? Je vous propose d'écouter André Markowitz, un grand moment de délire d'Ivan qui écoute parler le diable. Vis toujours, ils me disent, parce que sans toi, il n'y aura rien. Si tout était raisonnable sur la terre, il ne se serait rien produit. Sans toi, il n'y aura aucun événement. Et il faut qu'il y ait des événements. Et donc, je travaille, content ou pas, à ce qu'il y ait des événements, et je crée de l'irraisonnable sur ordre. Les gens prennent cette comédie pour quelque chose de sérieux, malgré toute leur indubitable intelligence. Là est leur tragédie. Bon, ils souffrent, bien sûr, mais malgré tout, ils vivent réellement, pas dans le fantastique. Parce que c'est la souffrance qui est la vie. Sans la souffrance, quel plaisir on pourrait avoir? Tout se transformerait en une espèce de prière sans fin. C'est sain, bien sûr, mais c'est barbant. Bon, et moi? Moi, je souffre. Et malgré ça, je ne vis pas. Je suis un X dans une équation à plusieurs inconnus. Je suis une espèce de fantôme de vie qui a perdu tous les débuts et toutes les fins. Et je finis par oublier moi-même comment je m'appelle. Tu rigoles? Non, tu ne rigoles pas. Tu t'es remis en colère. Tu es toujours en colère, toi. Il te faudrait seulement de l'intelligence. Et là encore, je te répéterai que je donnerais toute cette vie de l'éther, tous les rangs et les honneurs, juste pour m'incarner dans une marchande de 120 kilos et mettre des cierges au bon Dieu. « Alors toi non plus, tu ne crois pas en Dieu ?» ricana haineusement Ivan. « Dieu, il existe ou pas ?» cria à nouveau Ivan avec une insistance farouche. « Tu ne sais pas, mais tu vois Dieu. »« Non, tu n'existes pas en toi-même. Tu es moi et rien d'autre. Tu es une saleté, tu es ma fantaisie. » Tu es une saleté. C'est ça qu'il dit, hein? Oui, c'est ce que Yvan dit au diable. Tu es moi, tu es une saleté. Exactement ce qu'il pourrait dire à son père Fiodor. Exactement. Et une chose qui est très bizarre, je réfléchis à ça, le Notre Père latin, enfin français, ou je ne sais pas, il dit « Liberanos a malo ». Libère-nous du mal. Mais le texte russe, le texte slave, slavon, orthodoxe, alors je ne sais pas si commencer en orthodoxe français, il ne dit pas ça. Il dit « No избави нас от лукавого », c'est-à-dire « libère-nous du malin ». Donc de la figure, voilà. Celui qui porte le mal. Et tout d'un coup, je me rends compte, mais oui, c'est pas du tout pareil. Alors, je ne serais pas incapable de commenter ça, hein, mais... Ce passage du mal au malin. Oui, il doit y avoir des thèses sur ça et des centaines de livres absolument passionnants sur ça. Et ça m'intéresserait de savoir comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre. Mais le malin, c'est ce que dit Ivan. Il le fait apparaître, mais il est en soi. Et exactement, c'est... comme la trace qu'a laissé en lui son père. C'est le malin qui a créé le monde. Mais pourtant, dans le livre de Dostoïevski, André Markovitz, il y a une parenté entre le père et le père, entre le père et Dieu. Oui. Or là, on parle du diable. Alors, là... C'est-à-dire est le père au final? Alors, Dieu le père, non. Ou le diable? Parce que c'est ça, c'est cette manière-là dont a transformé aussi Ivan dans sa tête la figure du père. C'est qu'il est devenu le diable. Alors, je serais incapable de commenter, il me manque... des connaissances sur ça. Mais il existe des hérésies chrétiennes, parmi les premières hérésies, qui expliquaient que, il y a deux mondes. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde du diable. Et qu'il y a un autre, que la création, que Dieu n'a pas créé le monde, en tout cas le nôtre. Voilà. Je suis très nul sur ça et je demande pardon aux auditeurs, mais... En tout cas, vous pouvez constater qu'il y a effectivement ce retournement dans l'esprit vivant. Bien sûr, on vit dans le monde du diable, dans le monde du Père. Non pas du Père, mais de notre Père. Nash Atiets en russe. En russe, les prières, c'est pas Nash Atiets, c'est Otche Nash, parce qu'on parle en slavon, en vieux russe, pour ainsi dire. Mais c'est ça, nous vivons dans ce monde-là. Et ce qui est absolument invraisemblable dans ce monde-là, c'est qu'il n'existe pas que le mal. Il existe aussi la solidarité, l'amour, la charité. La fraternité. La fraternité. Et que le miracle, il est là. Que malgré tout, tout le monde ne succombe pas, à la cafardisation, je ne sais pas comment dire ça. Voilà. Mais c'est l'enjeu aussi de cette fratrie, se demander comment résister à la cafardisation. Oui, et... Parce que la question que vous posiez, André Markovitz, c'est que fait-on de l'héritage? Comment on fait alors pour vivre avec? Si, quand on tue son père, on est coupable. On peut être tenté par le diable. Mais l'idée est que, quoi qu'on fasse, on reste avec cet héritage-là, qu'il est en nous. C'est ça. Comment lutter contre soi-même? Ben, je pense pas que, par exemple, que Dostoïevski personnellement se soit senti jamais coupable du meurtre de son propre père. C'est pas ça. Mais la question n'est même pas du meurtre. Oui. La question est que on a été témoin de ça. Et on l'a voulu. Et on l'a. Alors, on a voulu qu'il disparaisse. Parce qu'en fait, l'enjeu des frères Karamazov, on s'en fiche de savoir qui a tué au final le père. Parce que de toute façon, il devait mourir. Mais c'est clair que c'est tous, y compris Alyosha. En fait, tous les enfants sont coupables. Tous. Y compris Alyosha. Et le plus saint. Voilà, le plus saint. Vous savez, à un certain moment, je l'ai raconté ça ailleurs, mais c'est vraiment une scène qui m'a beaucoup marqué. Alyosha est soumis à la tentation d'une jeune fille, Lisa, qui pour l'instant ne nous intéresse pas là maintenant dans ce sujet-là, mais Lisa se moque de lui et lui pose une question, elle lui pose un petit détail, elle lui pose « Ah, c'est vrai que les Juifs, à Pâques, ils tuent les enfants, ils leur coupent les doigts et regardent le sang couler. » Et Alyosha répond « Je ne sais pas. » Quand moi, je suis tombé sur ça, je suis tombé malade. Parce que si Alyosha est un saint, il n'aurait pas dû dire « je ne sais pas ». Il aurait dit « c'est pas vrai ». Non, les juifs ne tuent pas les enfants. C'est pas vrai. Non. Et il a dit « je ne sais pas pourquoi ». Dostoïevski lui-même était d'un antisémitisme maladif et publiait au même moment dans des revues qui, en gros, appelaient au pogrom. Et dans le roman, ce « je ne sais pas » veut dire « oui ». Pour Dostoïevski. Mais pour le roman lui-même, pour la construction du roman, contre son auteur, c'est la chute définitive d'Alyosha. Il n'est pas un saint. Il ne dit pas la vérité. Non, les juifs ne tuent pas, ne t'écoutent pas les doigts des enfants à Pâques. Et de voir tout à coup le roman se dresser contre le romancier, a été une des grandes émotions de ma vie. Comme si Dostoïevski avait mis en place un système qui, et de loin, le dépassait. On en revient à la question des enfants qui se dressent contre leur propre créateur. Voilà. Comme si le roman lui-même... Et c'est pour ça que d'ailleurs, 20 ans plus tard, Alyosha devait être coupable du crime suprême. Du tsar. C'est-à-dire du père. Le tsar, c'est aussi une autre image du père, du meurtre du père. Mais là, du père de toute la nation. Et voilà, ils sont tous coupables. Et tous le savent, et tous ont l'onction ou le sang karamazovien. Mais on a tous voulu rompre à un moment donné avec notre père, ou avec notre famille, ou en tout cas avec des racines, ou se rebeller. On a peut-être même voulu tuer son père au sens propre ou figuré. Est-ce que ça nous rend responsables de parricide? Parce que vous dites, ils sont tous responsables. Mais ils ont voulu tuer leur père, et peut-être à raison d'ailleurs. Mais certains ne l'ont pas fait. Alors, ils n'ont pas voulu... C'est plus compliqué que ça. Ils n'ont pas voulu tuer. Enfin, Dimitri dit qu'il a voulu tuer. Oui. Est-ce qu'il a vraiment voulu tuer? Je ne sais pas. Parce que Dimitri, c'est un homme, l'homme de la passion, il dit un truc et puis en fait, ce n'est pas ça qu'il pense. Ils ont voulu qu'il n'existe pas, mais il existe. C'est, tu fermes les yeux, tu as l'impression que le monde disparaît. Mais le monde ne disparaît pas. C'est ça là. Je pense que c'est le mystère de l'existence. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur ça, quoi, tu vois? C'est... Mais une réponse. Si je pouvais te donner une réponse à ça, je pense que je me suiciderais tout de suite. Alors non. Non. J'ai pas prévu ça. Avant ça, je vous propose d'écouter un dernier texte, parce qu'après on va se quitter. Je vous propose d'écouter un texte que vous avez déjà évoqué, André Markovitz, qui est Ivan qui parle des enfants et du fait que les enfants soient forcément coupables des torts de leur père. Mais voilà pourtant les petits-enfants. Et là, avec eux, qu'est-ce que je fais? C'est une question que je suis incapable de résoudre. Je le répète pour la 100e fois, des questions, il y en a des milliers, mais je n'ai pris que les petits-enfants parce que là, ce qu'il faut que je dise devient d'une clarté imparable. Écoute, si tout le monde doit souffrir pour que cette souffrance achète une harmonie universelle, les enfants, eux, ils y sont pour quoi? Dis-moi, s'il te plaît. On ne comprend pas du tout pourquoi eux aussi, ils doivent souffrir et pourquoi eux, ils doivent acheter l'harmonie par la souffrance. Pourquoi eux aussi, ils se sont retrouvés comme matière servant de fumier en eux-mêmes à je ne sais quelle harmonie future. La solidarité des hommes dans le péché, c'est une chose que je comprends. Je comprends aussi la solidarité dans la vengeance. Mais cette solidarité dans le péché, elle ne s'étend pas tout de même jusqu'aux petits-enfants. Et si la vérité est que réellement, eux aussi, ils sont solidaires de leur père dans tous les crimes de leur père, alors évidemment, cette vérité-là n'est pas de ce monde, et moi, elle me reste incompréhensible. Il y a peut-être un plaisantin qui pourra dire que, de toute façon, l'enfant, il grandira et il aura le temps de pécher. Oh, Alyosha, je ne suis pas en train de blasphémer. Je comprends ce que ça devrait être, le bouleversement dans la nature, quand tout, au ciel et sous la terre, se fondra en une seule voix de louange, et tout ce qui vivra ou qui aura vécu s'exclamera « Tu es juste, Seigneur, car tes voies se sont ouvertes ». Mais le hic, il est là, parce que c'est ça que je suis absolument incapable d'admettre. André Markovitz, il nous reste 30 secondes.